De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Une nouvelle chronique sur Fadjet qui s'intitule « De l'huile dans les rouages ». C'est présenté par Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Ça veut dire quoi, de l'huile dans les rouages? Alors, de l'huile dans les rouages, c'est l'idée de faciliter les choses. Donc, moi, mon truc, c'est la communication entre les gens. Dans cette chronique, je vais vous proposer des outils pour comprendre et faciliter la communication les uns entre les autres, avec soi-même. Voilà. C'est compliqué de communiquer? Ben, parfois, oui. Parfois, on ne se rend pas compte, mais... Même avec soi-même, on n'est pas toujours bien connecté. Mmh. On peut se sentir étranger à soi-même. Et du coup, on ne se rend pas compte à quel point ça peut aussi être un frein pour la communication avec les autres. Il y a des tas de petites choses dans la communication qui peuvent être des petits cailloux sur le chemin. Et donc là, je vous propose de vous en rendre compte et aussi de les enlever. À travers quelques petits tuyaux simples, des conseils? Oui, alors je m'appuie principalement sur la communication non violente avec des notions clés comme les émotions, l'expression factuelle, les besoins, comment faire une demande, comment être efficace pour mieux se faire comprendre, comment être aussi mieux à l'écoute de soi-même et des autres. Voilà, je vais vous parler de messages risqués, d'écoute active, d'auto-empathie, de choses comme ça. Et la première chronique que tu vas nous proposer dans cette série? C'est sur les émotions. Il va y avoir plusieurs chroniques d'affilée qui vont être sur ce sujet-là parce que c'est assez central en fin de compte. Merci Noémie. Merci Yves. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.